Le concert Printemps de février sous la baguette de Lee Chun-mo, coréen aux États-Unis et chef de l'orchestre symphonique Uru, a eu lieu le 4 février à New York. Au concert déroulé au théâtre Mokin Concert Hall, plein de membres à la représentation permanente coréenne à l'ONU et leurs familles, de Coréens aux États-Unis et d'Américains, les artistes ont exécuté les musiques coréennes comme « La gloire à notre général »,« Les bruits de galop du Paektun »,« Je le sais maintenant », tout racontera l'amour du soldat, Arirang, ainsi que les illustres musiques étrangères.